Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Golbeau-Mistassini et Normandin. On continue notre tour des joueurs du Haut-du-Lac qui sont dans des camps de la Ligue de hockey junior du Québec ou des camps de la Ligue nationale, parce que celui-là, il se prépare plus pour son camp de la Ligue nationale qui va commencer bientôt. C'est Samuel Girard, défenseur étoile dans la Ligue de hockey junior du Québec, pas mal le meilleur défenseur. Salut Samuel! Salut! Samuel, d'abord, on va commencer avec ta saison. Quelle sorte de saison estivale que tu as passée? Je sais que c'était quand même assez court, puisqu'il y avait le camp de présélection de l'équipe canadienne. On a vu des matchs, d'ailleurs, c'est de bonheur de voir des matchs à la TV là, au début du mois d'août. Mais quelle sorte de saison que tu as passée? Dans le fond, à comparer à toutes les autres années, là, j'ai pas mal plus de temps pour me reposer. Enfin, on a été éliminé avec les cataractes là, de bonheur, très de bonheur, mais j'ai eu la chance d'être appelé par le club école des prédateurs de Nashville. Les Admirals de Milwaukee. Fait que c'était vraiment une belle expérience, puis c'était le fun pour moi vu que j'ai pas arrêté de jouer au hockey très de bonheur. Ouais. Puis j'ai rejoué un mois à Milwaukee. J'ai arrêté ma saison là-bas le 28 avril. Fait que j'ai eu du 28 avril à jusqu'au, mettons, je te dirais 28 mai chez nous avec ma famille. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un long séjour comme ça à la maison. Puis après, ben, j'ai commencé mon entraînement à Montréal là, du 28 à jusqu'à, je te dirais là, début août. Là. OK. Puis là, par la suite, ben, ça a été le camp de sélection de l'équipe canadienne. Comment ça a été? C'est sûr que moi, l'été, je vais te dire, ben, franchement, là, surtout que j'étais en vacances cette période-là. J'ai pas suivi du tout ce pré-camp-là, mais est-ce que ça s'est quand même été positif pour toi, là, ce pré-camp-là? Oui, écoute, ça a très bien été. Là. Mon camp a très bien été. J'ai joué la game qu'il fallait que je joue. Puis j'ai pas vraiment d'autres mots à dire. Là. C'est sûr que j'avais bien préparé avant. Puis à Montréal, j'avais patiné un petit peu. Après, je m'avais bien entraîné. Je m'entraînais pas aussi dans le gym. Alors, je te dirais que oui, mon camp a très bien été. Puis j'ai hâte de voir pour la suite. Le genre de défenseur que t'es, puis ça, on en a parlé souvent, t'es en compétition avec Victor Mété, qui est l'espoir du Canadien. C'est le même genre de défenseur. Est-ce que tu penses que ça l'année passée, c'était ça? Tu penses que cette année, ça va être encore la même affaire? Parce que Mété est encore avec l'équipe canadienne, lui. Ouais, exactement. Rendu là, on n'a pas vraiment le choix. Là. Nous, les joueurs, là, je sais pas s'ils vont décider entre nous et l'année passée, ça parlait de ça. Puis on n'a pas été pris aucun des deux. Fait que on peut vraiment pas voir s'attendre avec Hockey Canada si c'est vraiment eux qui décide qu'est-ce qui compte leur alignement puis qu'est-ce qu'ils veulent. Alors moi je m'en vais au camp, je joue ma game, puis écoute, il arrivera ce qui arrivera. OK. Le défenseur de 19 ans, parce qu'on dit que c'est un tournoi de 19 ans. L'année passée, ça a peut-être pu te nuire un petit peu, parce que c'est ce qu'on dit du championnat du monde de hockey junior. Fait que cette année, ça devrait être ton année surtout. Je pense que l'an passé, tu aurais eu ta place. C'est un commentaire bien personnel. Est-ce que le fait que tu es à Nashville, ça va. Les matchs que tu as joués avec les Admirals de Milwaukee, est-ce que ça t'a aidé beaucoup, ça, encore, que tu vas emmener dans les Junior du Québec cette année? Oui, exactement. C'est sûr que oui, mes parties dans le professionnel, dans le fond, je pense qu'ils vont beaucoup m'aider dans les jours qui vont venir, puis dans les jours futurs aussi. J'ai joué 6 games, dont 2 en série. Puis ça m'a permis de jouer puis de savoir c'est quoi le calibre justement dans la Ligue américaine. Alors je pense que oui, ça va beaucoup m'aider pour mon développement. Puis aussi je vais pouvoir amener les outils que j'ai appris là-bas avec les vétérans qui étaient là, puis avec le staff d'entraîneur, puis toute l'organisation là, des prédateurs puis des Admirals. Et ça va beaucoup m'aider pour le reste qui est à venir. Okay, c'est encore la fraction de seconde. Hein. Il y a une coche entre la Ligue de hockey junior du Québec, la Ligue américaine, la Ligue nationale. C'est la fameuse fraction de seconde, c'est ça? Oui, exactement. Écoute, tout est plus vite. De plus en plus du monde, tout est plus vite. L'exécution est plus vite, les passes sont plus vite. C'est tout, dans le fond, le monde de vitesse. Fait qu'il faut que tu t'ajustes à la game. OK. Là, le camp d'entraînement des cataractes, comment ça va? Parce qu'on dit que vous allez être en rénovation cette année, en construction. Beaucoup pensent que tu vas partir aux fêtes. De ce que tu as vu du camp d'entraînement, est-ce que ça va être intéressant quand même? Ben écoute, pour être franc, là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. L'équipe des CAF, on la voit présentement, puis oui, on est constitué de 11 recrues, là, mais les recrues, là, c'est vraiment des bonnes recrues, ils se débrouillent bien sur la patinoire. Puis aussi, on a des très bons vétérans. On est allé chercher aussi un très bon russe, là, Vasily Glotov, là, qui jouait à Cap-Breton l'année passée. C'est un 20 ans. Il va nous amener beaucoup d'offensives s'il revient, parce que lui, il s'en va au camp des Sables de Buffalo, puis il peut aller dans les Américaines cette année. Ouais. Puis je te dirais aussi, c'est la même chose pour Brandon Gignac. Brandon Gignac, lui, on ne sait pas s'il va revenir non plus. Il est au New Jersey. Alors, si ces deux gars-là reviennent, je pense qu'on pourra avoir une très bonne équipe en offensive, avec ces deux gros joueurs d'impact-là, avec Cameron Askew aussi, qui est quand même bon à l'attaque. Puis on a des joueurs comme Samuel Asselin, des gars vraiment sous-estimés dans les joueurs majeurs du Québec. Puis à défensive, tu sais, on a au moins un bon, on a quand même un bon top 4 là, qui était là l'année passée, qui est capable de faire la job. Là. OK. Mais ça va dépendre toujours. Une équipe jeune, Samuel, les Cataractes peuvent avoir un plan, puis tu peux être le joueur pour qui on va échanger. T'as une valeur incroyable. Tout le monde sait que c'est ta dernière année. Il pourrait fort bien arriver que tu passes aux fêtes. Là. Oui, c'est sûr que je me suis mis dans la tête. Depuis le repêchage du Major du Québec, là, que j'ai ça dans la tête pas mal. Là. Il y avait des rumeurs, je veux pas, puis il y a encore des rumeurs que je vais être échangé aux fêtes. Puis ça, je m'en attends. Là. C'est sûr que je me le mets dans l'idée, puis je me dis pas que je vais rester absolument chez Mouligan. C'est ça va venir la décision de Martin Mondou, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis s'il va reconstruire aussi pour les prochaines années. Alors, mais comme je dis, on a une très bonne équipe là, en offensive, défensive, puis aussi dans les buts, c'est Mikhail Denisov dans l'année passée, il a fait un gros job, il a été nominé sur la première équipe d'étoiles, fait qu'il est capable de gagner des games à lui tout seul. Okay. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Okay. Zachary Boutillier, le gardien de but que les Saguenay ont acquis hier, c'est sûr qu'on a un œil sur les sacs. C'est-tu un gardien de but qui peut être intéressant? C'est-tu un gardien qui peut faire son bout de chemin dans la Ligue du Québec? Oui, écoute, les Sags, je pense qu'ils ont vraiment payé très gros, hein, soit deuxième ronde puis quatrième ronde pour lui. Alors, puis tu sais, je sais que j'ai entendu dire que le coach Gigola des Sags, il connaissait bien. Ouais. Fait que s'ils ont payé ce prix-là, c'est parce qu'il sûrement que Shaoui méritait ce prix-là. Mais oui, Zachary, là, c'est un bon gardien, puis je pense que le fait qu'il ait été changé, c'est parce qu'il voulait être gardien numéro un, puis c'est son année de repêchage, puis il voulait montrer à Ligue justement qu'est-ce qu'il était capable de faire, mais oui, je crois que Zachary il pourrait devenir un très bon gros là dans les Jeux majeurs du Québec. Là, puis, il est quand même une bonne shape, il est quand même grand, puis il est gros dans son filet. Je pense que oui, il peut être très bon dans les Jeux majeurs du Québec. Là, le camp d'entraînement des Predators arrive dans quoi? Dans une semaine? Ton père vient de me dire ça, que tu pars le 6 septembre. Comment tu vois ça? Est-ce que l'année passée, tu avais joué, tu avais impressionné la direction des Preds, toi et Frédéric Allard? Est-ce que tu entends faire encore le même bonhomme chemin, de jouer quelques matchs au concours l'année passée, je pense que si je me rappelle bien, tu en avais joué un ou deux. Est-ce que tu entends encore monter d'une coche? Écoute, je m'en vais avec la même mentalité là-bas là, que je t'arrive l'année passée. Moi, mon but, c'est de faire l'équipe faire ma place. Puis, l'année passée, oui, j'ai connu un bon camp. J'ai joué deux games préparatoires avec eux. Ça m'a permis aussi de voir comment que c'était aussi jouer devant une grosse foule, comme j'ai joué à Nashville devant 17 000 personnes. Fait que c'était vraiment gentil de la part de l'organisation de faire jouer ce match-là. Puis c'est sûr, ça va m'aider. Je vais arriver au camp, puis surtout cette année, là, c'est ma deuxième année, je vais savoir à quoi m'attendre, puis je vais savoir c'est quoi aussi tout le déroulement. Je vais être moins stressé, puis ça va mieux aller que la bonne. Fait que mon objectif, c'est vraiment de faire l'équipe d'aller plus loin. Ça va être plus fun aussi, parce qu'on a vu le buzz l'année passée de la finale de la Coupe Stanley contre les Pingouins. À quelque part, là, il y a un héritage qui s'est fait. Il y a un déclic qui s'est fait à Nashville avec les partisans. Là. Ça va être encore plus fun. Oui, exactement. T'sais, on l'a vu l'année passée, là, à quel point que. Ouais. Les partisans de Nashville, là, ils étaient embarqués avec leur équipe, puis ils suivaient leur équipe vraiment de proche. Là. C'était vraiment extraordinaire à voir, puis c'était vraiment le fun de voir que les partisans de Nashville, là, ils suivent leur équipe, puis sont derrière eux. Okay. Samuel, en terminant, je pense que tu as un tournoi en fin de semaine à Saint-Bruno, si je ne m'abuse, qui porte ton nom. Prenons le temps pour publiciser ça un peu. Oui, exactement. Moi, c'est Michael Gagnon qui m'ont contacté pour être nommé président d'honneur. Okay. C'était vraiment une belle occasion pour moi de pouvoir être président d'honneur pour ce tournoi-là, puis d'aller là ramasser des fonds pour un enfant malade. Fait que c'est moi, quand c'est pour des causes comme ça, c'est sûr que je dirais jamais non, je vais toujours dire oui pour aller aider les personnes dans le besoin. Puis tu sais, moi, ça fait mon bonheur, puis je suis sûr que ça fait le bonheur des autres aussi. Ben oui. Puis, je pense qu'on va passer une très belle journée. Ben oui, puis ça, c'est un petit peu comme du deck hockey, ça ressemble pas mal à ça, hein. Puis je sais que t'as joué. Comment t'as trouvé ça, s'imprime cette année, deck hockey, la nouvelle structure, la nouvelle façade, c'est extraordinaire, hein. Et pour un joueur de hockey comme toi. Ouais, ben. Ouais. Pour un joueur de hockey comme moi, toi. Moi, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, écoute, moi, que quand je suis arrivé à Shawi, j'ai vu un petit peu des surfaces à Shawinigan, à Trois-Rivières, tout ça, puis. J'avais jamais vu ça auparavant. C'était vraiment le fun de voir ça. Puis là, quand je suis arrivé à Saint-Prime, puis j'ai vu des surfaces comme ça, j'ai trouvé ça le fun. C'est sûr que ça va faire embarquer aussi des jeunes aussi de mon âge dans cette activité-là. Tu sais, ça va leur garder une activité à faire aussi. Tu sais, c'est le fun de pouvoir jouer avec ses amis dans une ligue comme ça, puis avoir du fun, puis en même temps que c'est compétitif. Fait que c'était vraiment une bonne idée d'aider les gens de partir des surfaces comme ça pour le lac Saint-Jean. Là, c'était vraiment une très bonne idée. Là. Pour un gars comme toi, le deck hockey puis le hockey, c'est sûr que la vision... Est-ce qu'un bon joueur de hockey comme toi peut être un aussi bon joueur de deck hockey on peut quasiment mettre ça deux sports différents? Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que t'es vraiment bon au hockey, puis tu te débrouilles bien sa patinoire, tu peux être très bon au deck, là, mais je pense pas que ça a vraiment un rapport, là. Okay. Écoute, il y en a qui jouent au deck, puis qui savent pas patiner, fait que... Ouais. Oui, exactement. C'est sûr que si t'es bon au hockey, tu sais comment jouer au hockey, tu vas être bon au deck, ça, c'est, je peux te le confirmer, mais, tu sais, mettons, des fois, tu peux en avoir un, là, qui va arriver de nulle part, qui a jamais patiné, puis qui va être très bon au deck, là. Fait que c'est vraiment un sport, je te dirais, qui peut se rassembler, mais qu'en même temps, il ne peut pas non plus. Okay. Ben Sam, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le camp d'entraînement. On n'aura peut-être pas l'occasion de se reparler, mais dès ton retour à Shawi avec les Cataractes, j'aimerais ça t'en parler pour voir comment tu as trouvé ton expérience au camp des Preds. Parfait, merci beaucoup. Voilà, Samuel Girard des Cataractes de Shawigan, natif de Robert.